soir on n'est pas là. On va dormir chez Frelou. Chez Warm, ton équipage en peut plus. Je vais te faire goûter les armes. Je vais te faire goûter la repue. Je vais te faire croquer des sommes. Juste une seule fois, c'est ce qu'on dit. Je vais te taper comme une rhum. Je vais te faire visiter Bondy. Si où tu veux, on ira. Dans mon œuvre, je t'emmène. Tu seras ma Elvira. Où ça m'ira, c'est la même. On s'est lu, ira. T'es choqué, c'est la routine. Pourquoi tu parles comme ça? Marion, c'est ma copine. C'est ma copine. Appel anonyme. Allô, allô. Fiche S dans ta mère. Appel anonyme. Allô, allô. Ce soir, on n'est pas là. On va dormir chez Frelou. C'est pas moi, c'est pas moi. Si dans nos vies, c'est comme elle. Ce soir, on n'est pas là. On va dormir chez Frelou. Appel anonyme. Ce soir on n'est pas là. On va dormir chez Frelou.